Déclaration de l'Institut des armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée. Selon le dessein du développement des armements nucléaires stratégiques du Parti travail de Corée, les scientifiques et techniciens de l'Institut des armes nucléaires ont effectué l'essai d'explosion nucléaire pour le jugement de la capacité de l'ogive nucléaire nouvellement mise au point au champ d'expérimentation nucléaire de la région Nord. À propos de sa réussite, le comité central du Parti travail de Corée a adressé les chaleureuses félicitations aux scientifiques et techniciens nucléaires du champ d'expérimentation nucléaire. Au dernier essai nucléaire, on a examiné et vérifié définitivement la structure, les caractéristiques de mouvement, la capacité et la puissance de l'ogive nucléaire standardisée pour que les unités d'artillerie façon des forces armées stratégiques de l'armée populaire de Corée puissent la charger aux fusées balistiques stratégiques. D'après l'analyse d'essai, on a vérifié la capacité d'explosion et l'identité des données de mesure et de la valeur de calcul, notamment le coefficient d'utilisation des matières nucléaires. On a confirmé également que le dernier essai n'a donné aucun phénomène de fuite de substances radioactives ni d'influence néfaste à l'environnement écologique. La standardisation de l'ogive nucléaire permettra de produire, comme on veut et en quantité souhaitée, toutes sortes d'ogives nucléaires de haute capacité de frappe minimisée, légères et multifonctionnelles, parfaitement versées des techniques de production et d'utilisation de diverses matières de fission. Elle permettra également d'atteindre le niveau plus élevé à nos armements nucléaires. Le dernier essai d'explosion d'ogives nucléaires est une des mesures de riposte réelle contre les menaces et sanctions des États-Unis et de leurs forces hostiles contre notre État, qui refusent de reconnaître par tous les moyens la position stratégique de notre République en tant que digne possesseur nucléaire pour accuser obstinément l'exercice de son droit autodéfensif. Et c'est une manifestation de la volonté ultra-dure de notre parti et de notre peuple, prête à rendre les représailles à la moindre provocation ennemie contre nous. Nous continuerons la mesure de renforcement qualitative et quantitative de nos forces armées nucléaires étatiques pour défendre notre dignité, notre droit à l'existence et la paix authentique contre les menaces de guerre nucléaire croissantes des États-Unis. Le 9 septembre de l'an 105 du juillet 2016, Pyongyang.